Chapitre 5. La petite propriété de la Meulière, située en Vendée, avait appartenu à un vieil oncle de mon père, M. de Soriage, qui fut mon parrain. À sa mort, il me la légua. Jamais je n'avais pensé qu'elle pût un jour devenir mon seul refuge. Et en cette journée de janvier, tandis que le train m'amenait au but, je sentais un peu d'appréhension m'envahir au moment d'arriver dans cet inconnu. Le temps était gris, mélancolique. Des brumes voilaient les lointains et gagnaient lentement les premiers plans. L'atmosphère n'avait rien de réconfortant, non plus que les mines renfrognées de mes compagnes de voyage, deux dames d'un certain âge, deux sœurs, je crois, qui, dès qu'elles cessaient de somnoler, s'adressaient des reproches complètement dénués d'aménité au sujet d'une certaine servante que l'une voulait renvoyer et que l'autre s'obstinait à conserver. Je pensais, si seulement cette excellente Catherine pouvait se trouver là, quel plaisir j'aurais à la voir m'accueillir. Vers 4 heures, le train s'arrêta à la petite station de Saint-Jean-de-la-Bottellerie. Je descendis et tombai presque dans les bras d'une grande femme très maigre qui se trouvait juste devant mon wagon. « Oh, notre demoiselle ! Ma bonne Catherine !» Et je l'embrassai sur les deux joues. Elle se recula un peu pour mieux me regarder. « Mais que vous êtes donc jolie, mademoiselle! Que vous êtes donc jolie !» Et, s'adressant à un paysan en blouse bleue qui se tenait à quelques pas de là, son chapeau à la main, elle demanda, d'un ton d'orgueil naïf, « Hein, crois-tu, pardôme, qu'elle est bienvenue, ma nourrissonne ?» Sur le visage coloré, un sourire s'esquissa, tandis que les petits yeux bienveillants du métayer me considéraient des pieds à la tête. « Ah, pour ça, oui. Mademoiselle, on est bien content de vous voir à la Meulière. Vous n'y êtes pas venue depuis le temps où vous étiez une toute petite fille qu'on aimait bien chez nous. » Je lui tendis ma main, que serrèrent ses paumes calleuses. « C'est une grande joie pour moi de m'y retrouver, car je me souviens que ma pauvre mère m'a dit bien des fois « Gilette, les Bardômes sont des gens sur lesquels on peut compter et qui nous aiment. » Une lueur de contentement passa dans le regard du métayer. Madame Darbier ne se trompait pas, sa fille sera chez elle à la Meulière. Et maintenant, si vous voulez venir, notre demoiselle. Déjà, Catherine s'emparait de mon sac. Je tendis à son mari mon bulletin de bagages et les suivis tous deux vers la sortie. Une voix masculine dit derrière moi « Vous perdez votre mouchoir, madame ». Je me détournai. Un homme de belle taille, jeune et vêtu d'un correct costume de voyage, se découvrait en me tendant l'objet en question. « Ah, merci, monsieur !» Catherine, qui s'était retournée aussi, dit d'un ton respectueux « Bonsoir, monsieur le vicomte !» Et elle s'effaça pour le laisser passer. Il répondit d'une voix brève « Bonsoir, madame Bardôme !» Quand il fut un peu éloigné, Catherine chuchota, tandis que nous sortions à notre tour. « C'est monsieur le vicomte de Trézonne, le maître du plus beau domaine de toute la Vendée. » Je murmurai, « Il n'a pas l'air commode. » Car j'avais eu le temps de remarquer l'expression hautaine, dure, un peu dédaigneuse, de cette physionomie d'ailleurs distinguée. « Oh, dame non, il ne l'est pas. On marche avec lui. » Mais c'est un homme qui s'entend à diriger les gens et que personne n'a jamais pu mettre dedans. Comme nous sortions de la gare, une automobile s'éloignait. J'aperçus à l'intérieur le dur et beau visage de l'étranger. Bardôme, qui suivait la direction de mon regard, dit avec un rire qui plissa un instant sa face « Dame, notre demoiselle, on n'aura pas une si belle voiture à vous offrir. Voilà celle de la Meulière. » Il désignait un char à banc que recouvrait une bâche jetée sur des cerceaux de bois. « Il y a une peau de bique, des couvertures. J'espère que vous n'aurez pas froid. Catherine, installe la demoiselle pendant que je vais chercher son bagage. » Un quart d'heure plus tard, nous roulions vers la Meulière. La brume s'étendait sur la campagne qui m'apparut ainsi morne et grise. De son fouet, Bardôme me désigna un grand bâtiment à tourelles, vaguement distinct vers la droite. « C'est la Bottellerie, le château de Monsieur de Trézonne, expliqua-t-il. « Il y habite pendant l'hiver, demandai-je à Catherine, assise près de moi. Mais oui, toute l'année, sauf de courts séjours à Paris. Ça ne fait guère l'affaire de Madame la Vicomtesse et de Mademoiselle Jacqueline, sa belle-mère et sa sœur. Ces dames aiment le monde, la vie à Paris. Mais Monsieur le Vicomte n'entend pas de cette oreille-là. Ne sont-elles pas libres de faire ce qui leur convient ? Bien sûr, mais où prendraient-elles l'argent ? C'est lui qui leur fait des rentes, à condition qu'elles habitent la Botellerie. Il se défie parce que Madame de Trézonne est une dépensière incorrigible et que ses enfants ont été élevés dans les mêmes idées. Elle en a plusieurs. Trois. Un fils qui est sous-officier et qui fait des bêtises parce qu'il a été trop gâté. Une fille mariée à un châtelain du côté de Niort, monsieur de la Bancelière. Et puis Mademoiselle Jacqueline qui a 25 ans et ne trouve pas d'épouseur. Quand on a guère de dot, et avec ça des goûts de dépense, c'est pour faire reculer les prétendants, dame. Monsieur de Trézonne est riche, lui ? Très riche. Il a la fortune de sa mère, bien augmentée depuis que le domaine de la Botellerie a été mis par lui en grand rapport. En ce cas, il dotera peut-être sa sœur. Oh, ça, je ne le crois guère, mademoiselle. Il n'est pas tendre pour les siens, monsieur le vicomte. C'est un homme bien intelligent, bien énergique, mais pour du cœur, on ne sait trop s'il en a. Il n'est pas marié ? Pas encore. Il a près de 32 ans pourtant. Avec sa fortune, et bel homme comme il est, il n'aurait qu'à choisir. Le sort de la future vicomtesse ne sera peut-être pas très enviable avec ce mari de nature assez raide, me semble-t-il. Ah, il sera le maître, bien sûr. Mais c'est un homme juste et puis sérieux. Pensez donc, mademoiselle, quand son père est mort, ruiné par le jeu et aussi par les dépenses de sa seconde femme, M. Guy avait 22 ans et jusque-là, il n'avait guère fait que voyager et s'amuser. Tout d'un coup, le voilà qui prend en main les affaires, qui vient s'installer à la Botellerie où on ne le voyait qu'à la saison des chasses, et puis qui se met à s'occuper lui-même du domaine, aidé par un vieux brave homme, M. Rouchaine, le propriétaire de la Sauvée. Nous disions tous dans le pays, « Monsieur le Vicomte ne connaît rien à cela, il va perdre son argent au lieu d'en gagner. » Mais c'est qu'il étudiait ferme, mademoiselle, et qu'il prenait conseil de tous les gens d'expérience. Puis il a une intelligence pas ordinaire, et quand il veut quelque chose, il le veut bien. Enfin, au jour d'aujourd'hui, le domaine de la Botellerie vaut beaucoup plus d'argent qu'il y a 10 ans et rapporte de gros revenus. Bardôme, qui entendait notre conversation, car une côte obligeait en ce moment le cheval à garder le pas, fit observer. C'est de la bonne terre aussi et tout d'un tenant. Ah, c'est beau une propriété comme ça. Et monsieur le vicomte la grandit encore. Bientôt, il aura tout le pays. Tenez, notre demoiselle, vous pourriez peut-être faire une bonne affaire avec lui. Il a envie d'un pré, d'un bien beau pré que vous avez au bord de la rivière, proche des siens. Moi, quand il m'en a parlé l'année dernière, je lui ai répondu « Mademoiselle Darbier sera majeure bientôt et elle voudra peut-être bien un jour vous le vendre, monsieur le vicomte. Si c'est une bonne affaire, comme vous dites, je ne demande pas mieux. Ça dépendrait du prix qu'il en donnerait. On pourra voir cela dans un bout de temps. » À ce moment, la côte terminée, le cheval repartait au petit trot. Nous étions d'ailleurs presque arrivés. Par un chemin de traverse, nous atteignîmes la métairie, toute grise dans le brouillard. Au bruit de la voiture, une porte s'ouvrit, une femme parut et s'avança vers nous. Catherine me dit « Voici Angélina, votre sœur de lait, mademoiselle Gillette. » Je vis une grande fille mince et rousse, en robe d'un bleu violent, très courte et tablier coquet, qui me fit un salut prétentieux. Je lui tendis la main avec un mot aimable, tandis qu'elle m'enveloppait d'un coup d'œil inquisiteur. Puis nous entrâmes tous dans la salle où une collation m'attendait. Si Catherine et son mari me paraissaient les meilleurs gens du monde, j'avoue que leur fille me déplut dès le premier abord. Tout en elle, tenue, manière, façon de s'exprimer, dénotait l'affectation. Combien me semblait plus digne, plus vraiment belle, sa bonne femme de mère, avec sa tenue nette et simple de ménagère. Mais comment ces braves gens permettaient-ils à leur fille de se différencier tellement d'eux ? Ce fut la question que je me posai dès ce soir-là, quand j'eus fait connaissance avec la chambre d'Angélina, où je devais coucher pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que ma demeure fût organisée. La pièce, petite et claire, était tendue d'un papier à grandes fleurs échevelées et garnie de meubles de pacotille, aux formes prétentieusement art moderne. Deux glaces se faisaient vis-à-vis. Des gravures encadrées de baguettes dorées et dont les sujets me semblèrent peu à leur place dans cette chambre de jeune fille ornaient les murs. Et l'atmosphère se trouvait imprégnée d'un parfum trop fort qui me parut désagréable. C'était la fausse élégance dans toute sa pitoyable laideur, comme les bas trop fins, les souliers à hauts talons, la couche de poudre couvrant le visage de cette jeune personne qui devait aider sa mère dans les travaux de la ferme. La pauvre Catherine me montrait tout cela avec un air glorieux qui me fit mal. Comment cette femme ne voyait-elle pas dans quelle voie dangereuse s'engageait sa fille, avec sinon le consentement, du moins l'appui tacite de la faiblesse maternelle? Au dîner, je fis la connaissance de Jacques, le fils aîné, un grand gars de 25 ans, à l'air paisible et bon. Le cadet, François, faisait son service militaire. À la table, dont j'occupais la place d'honneur, s'assit aussi le petit valet, tandis que Catherine servait. Quant à Angélina, elle mangeait paisiblement, sans presque jamais se déranger. Et cette figure poudrée, ses cheveux courts, où l'on avait essayé une ondulation maladroite, ses mines pour manier la fourchette ou le couteau, toute cette prétention campagnarde me semblait la plus triste, la plus déplorable des fausses notes dans la grande salle patriarcale dont j'avais aimé aussitôt les poutres enfumées, la profonde cheminée noire et les meubles solides en beau vieux noyer poli qui avaient traversé les siècles.